c'est l'occasion de revenir sur la remarque de Séverine, que Séverine a faite ce matin. Donc effectivement, Séverine, tu as tout à fait raison. Le vrai titre aurait dû être 25 années d'archéologie dans les domaines royaux, puisque effectivement, nous trouvons très peu de passages, des souvenirs du passage des rois. Quelques exceptions toutefois, mais c'est vraiment assez exceptionnel. Donc, 25 années, donc Béatrix Saul vous a expliqué ce matin pourquoi l'année 1990, ce qui s'y était passé. Et donc, je ne reviendrai pas là-dessus. Je réitère donc les remerciements que Béatrix a fait ce matin pour toutes les équipes de bénévoles qui se sont succédées sur les chantiers et tous les organismes qui nous ont soutenus. Hein, le Service régional d'archéologie, la DRAC, et puis naturellement mes organismes de tutelle. Et aussi le musée Promenade qui a été l'occasion pour moi de faire cette exposition que j'espérais depuis les 20 ans d'archéologie royale et qui a été aussi déclencheur de l'organisation de ce colloque. Donc avant 1990, l'archéologie était tout à fait inexistante à Versailles. On peut citer quelques sondages qui ont été faits aux alentours du Trianon de marbre pour retrouver des tessons de faïence provenant du Trianon de porcelaine autour de 1900. Il y a eu une découverte fortuite d'un cimetière médiéval. C'est ce que vous avez sur la photo ici. Les pépinières Saint-Antoine sont situées, là j'ai mis un plan de localisation de ces pépinières, près de la porte Saint-Antoine, qui tire son nom d'une ancienne église qui remonte donc au Moyen-Âge. Et donc il y a eu des travaux de terrassement et un cimetière a été trouvé. Et comme vous pouvez le voir sur la photo, il n'a pas subi un traitement, il n'a pas connu un traitement archéologique. Donc, tempête de 1990, donc le 3 février, les arbres étaient arrivés à obsolescence et les gestionnaires du parc avaient conscience qu'il fallait faire une replantation. Et effectivement, au bout de 100 ans, une plantation devient dangereuse. Et le parc de Versailles a connu une replantation générale tous les 100 ans. Première plantation sous Louis XIV dans les années 1660-1670. Deuxième plantation sous Louis XVI dès son accession au pouvoir. Il a replanté entièrement le parc entre 1774-1775. Et au XIXe siècle, il y a eu aussi une replantation entre les années 1860 et 1880. Donc on arrive en 1980 et les gestionnaires avaient tout à fait conscience qu'il fallait faire quelque chose. Quelques opérations ponctuelles ont été menées. Et les responsables se demandaient comment faire passer auprès de la population, puisque comme ça a été évoqué ce matin, la population locale est très attachée à son parc, et abattre un abattage massif risquait d'être un traumatisme. Et donc on cherchait le moyen d'expliquer que c'était nécessaire. Il y avait eu une petite exposition dans les halles du marché de Versailles. Et le 3 février arrive cette tempête qui a ravagé donc, tous les jardins, ce n'est pas que Versailles, tous les jardins d'Île-de-France et une grande partie de la France sur tout un couloir des vents. Du coup, il n'y avait plus besoin d'explication. Donc là, vous avez en second plan le bosquet des Trois Fontaines, qui est un bosquet qui était déjà hors d'état, c'était devenu un terrain vague, et c'est aussi le cas de plusieurs bosquets de Versailles qui avaient été dégradés soit dès la mort de Lenôtre, qui a été remplacé par Jules Ardoin Mansart. Déjà, Mansart a simplifié une partie des bosquets au moment de la replantation de Louis XVI. Louis XVI, globalement, a respecté le parc de son aïeul, sauf pour deux bosquets qui étaient très onéreux à restaurer et qui étaient à la fois passés de mode, à savoir le bosquet du labyrinthe, qui est devenu justement à cette époque-là le bosquet de la Reine, et le théâtre d'eau, qui est devenu à cette époque le bosquet du Rond Vert. Au moment donc où, après la tempête, une replantation générale du parc a été décidée, il était prévu de remettre le parc tel qu'il était au moment de la mort de l'autre, qui était, comme je viens de le dire, l'apogée, le moment de sa plus grande splendeur. Donc c'est ça qui a généré donc toute cet enchaînement bosquet après bosquet de replantation. Donc c'était l'État qui finançait la plantation des écrins forestiers autour des salles de verdure et le financement de la rénovation des salles était assuré par des mécènes. Donc on a procédé bosquet par bosquet et naturellement au moment de chaque chantier a eu lieu un chantier archéologique. Donc le premier sondage a eu lieu en 1990 au bosquet de Lancelade, où on avait, j'en reparlerai plus longuement tout à l'heure, où on avait dégagé toute une enfilade de fondations de treillage. Cette première fouille a été réalisée par Bruno Benz, qui travaillait à cette époque à Marly. Et c'était vraiment le premier sondage. Après, il a fallu attendre 1995 pour reprendre la suite des travaux. Et depuis 1990, nous avons travaillé sur de nombreux bosquets que vous avez ici mentionnés par des pastilles vertes. Donc le bosquet d'Encelade se trouve ici. Ensuite, nous avons travaillé sur ce qui était devenu les quinconces à l'époque de Louis XVI et qui sont redevenus les bosquets de la Girandole et du Dauphin. Les trois fontaines ici ont été restituées dans leur état 1700. Et donc au bout de 20 ans, puisque cette politique de replantation était prévue pour durer 20 ans, au bout de 20 ans, la politique a un peu changé, les dirigeants ne sont plus les mêmes. Et donc vous avez tous en tête, je suppose, le dernier bosquet qui a été en travaux et qui est redevenu un bosquet contemporain. Et on peut citer aussi le cas de l'ancien labyrinthe ici, qui est en attente de replantation dans son état fin 18e voire 19e siècle, puisque de nombreuses essences rares ont été plantées au 19e siècle. Et le labyrinthe, après beaucoup de réflexions, le bosquet du labyrinthe ne sera pas restitué. Donc voilà, j'ai voulu éviter l'énumération de ces bosquets, de ces fouilles un peu anciennes, quitte à faire bondir Séverine, qui dans son excellent exposé de ce matin nous a expliqué que les archives et les vestiges n'étaient pas complémentaires, mais c'est le moyen que j'ai trouvé de pas faire des choses trop rébarbatives. Donc voilà, Séverine m'en excusera. Et donc je parle dans un premier temps donc de la complémentarité entre les vestiges et les archives. Dans le bosquet de Lancelade, donc nous connaissions les plans anciens de ce bosquet qui était entouré par un berceau de treillage périphérique. Et tout autour de la plateforme octogonale sur laquelle était... Non, je vais vraiment reprendre ça. Sur le plan... tout autour du plateau octogonal se trouvaient aussi des petites vasques, berceaux et vasques ayant été détruits par Mansart en 1706. Voilà, donc en 95, nous avons repris les sondages de 1990 et nous avons retrouvé toute l'enfilade des fondations du berceau. L'archéologie nous a apporté, en plus que bon, de l'aspect qu'avait ce berceau, la manière dont toutes les poteaux étaient implantés, puisque au moment où le berceau de treillage a été détruit, les dés de pierre ont éclaté et tous les morceaux de dés se trouvaient tout autour, et nous avons pu les reconstituer et restituer exactement l'implantation des poteaux. Nous avons aussi obtenu des renseignements sur la décoration. Ah oui. Ça marche. Sur la décoration des vasques, puisque plusieurs éléments de rocaillage se trouvaient à l'emplacement des anciennes vasques détruites. Donc voilà, le bosquet a été restitué en 1997. Donc les archives et les vestiges ne sont pas forcément en accord. Et je vais citer le cas du théâtre d'eau. Voici comment le bosquet se présentait à l'origine, avec ces trois cascades. Mince, je me suis trompée. Deux. Avec ces trois cascades qui arrivaient et se jetaient dans la salle de théâtre, qui n'était pas une véritable salle de théâtre avec des représentations humaines, hein, c'était juste un théâtre pour le spectacle des eaux. Un bassin central et tout autour de l'amphithéâtre, des petites vasques avec des jets qui étaient situées devant un portique de verdure. Donc voici un plan de 1750 qui a sans doute été dressé au même moment qu'un devis, puisqu'il existe aux Archives nationales un devis de restauration de ce bosquet qui n'a pas été mis en œuvre, comme chacun sait. Et ce plan a été probablement, enfin, du moins le pensions-nous à l'origine, a été dressé au moment du devis. Et nous avons constaté sur le terrain un certain nombre de dissonances. Donc il y a un plan qui explique le réseau hydraulique, qui montre le réseau hydraulique. D'ailleurs, j'ai souligné l'aqueduc ou pierret central ici en jaune, qui assure la vidange du bassin central. Sur le côté du plan, vous avez une coupe sur la ligne médiane qui montre la coupe d'une de ces cascades. Alors en haut de ce, donc le terrain est très en pente, hein, le haut du terrain se trouve ici naturellement, puisque les cascades ont été aménagées le long de la pente. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, si la coupe va du haut du terrain jusqu'en bas du bosquet, tout le haut de la pente, au moment de l'aménagement des terrassements réalisés sous Louis XVI, les hauteurs du terrain ont été arasées, puisqu'on a voulu essayer d'aplanir le terrain. Et donc toute cette branche-là avait quasiment disparu. Par contre, la partie basse du théâtre, l'amphithéâtre en particulier, qui était en renfoncement, était encore en bon état dans les sous-sols. Donc nous avons retrouvé quelques restes de ces cascades, pas du tout de cette cascade-là qui avait été complètement arasée, on était directement sur le terrain géologique, mais sur les deux cascades latérales, nous avons trouvé quelques parcelles du radier qui était un simple tapis de maçonnerie qui courait le long de la pente avec un léger bourrelet sur les côtés pour les margelles. De même pour l'évacuation des eaux, le plan montre une pierrée centrale et deux pierrées qu'on ne voit pas très bien puisque je ne les ai pas soulignées en jaune, de chaque côté en arc de cercle qui assurent l'évacuation de l'eau des petits bassins. Et dans la réalité des faits, nous n'avons pas du tout retrouvé cette pierrée, mais les bassins avaient des pierrées individuelles. Donc voici le bosquet tel qu'il a été restitué. Donc en bosquet contemporain. Donc les autres textes qui existent, ce sont les traités. Donc le principal traité, c'est celui des Alliés d'Argenville, la théorie et la pratique du jardinage, dont la première édition date de 1709. Et la Xème réédition de 1747 comporte tout un chapitre sur l'hydraulique, et nous avons trouvé de nombreuses illustrations de ce traité sur le terrain. D'abord les bassins à étanchéité de glaise, donc c'est celui qu'on retrouve le plus souvent dans les fouilles archéologiques à Versailles. Donc j'ai pris l'exemple du bosquet des Trois Fontaines qui est que je vous ai montré au moment de la tempête ou juste après la tempête de 1990. Donc c'est un bosquet qui s'étage le long de la pente en trois plateaux qui supportent des bassins de tailles différentes. Entre chaque bassin se trouve un système de cascade qui en haut est encadré par des gradins de gazon et en bas encadre un gradin de gazon. Les deux cascades basses sont construites à étanchéité de glaise et sont assez conformes à ce qui est décrit dans le traité des Alliés d'Argenville, avec ici un reste de pavé et ici tout le corroi de glaise. Donc les bassins à étanchéité de glaise sont en fait étanchéifié par une cuvette anglaise qui est maintenue sur les côtés par un mur de douve et par un contre-mur. La seule dissonance que nous avons trouvée sur le terrain, c'est que le contre-mur n'existe pas et le corroi de glaise s'appuyait directement sur le terrain. Donc plusieurs bassins à étanchéité de plomb. Le plus bel exemple, donc les cascades hautes du bosquet des Trois Fontaines est un bassin à étanchéité de plomb, mais l'exemple est moins beau. C'est pour ça que j'ai préféré prendre l'exemple du bosquet du Labyrinthe, donc qui est maintenant remplacé par le bosquet de la Reine, que je surveille l'heure. Oui, donc il me reste 10 minutes, donc je préfère passer de parler de Trianon, qui est un bosquet. Pourquoi je reviens en arrière? Ah oui, c'était pour les banquettes des banquettes de gazon. Oui, on avait trouvé des traces de poteaux au bosquet dans le bosquet du théâtre d'eau. Donc c'était des petits poteaux en bois qui soutenaient les planches pour maintenir les gradins de gazon dans l'amphithéâtre et tout autour de la salle centrale. Alors je parle du rocaillage les margelles jusqu'au jusqu'au milieu des années 1780, dans le parc de Versailles, les margelles étaient ornées de rocaillages. C'est une technique qui existe depuis la Renaissance italienne et même depuis l'Antiquité, mais qui est très à la mode sous la Renaissance italienne. L'idée est de reproduire un décor de rochers et de rocailles, comme son nom l'indique, avec divers matériaux. Donc ces rocailles sont maintenues en place par différentes méthodes. Sur les parties en surplomb, comme ici, vous avez l'épaule d'une des cascades basses du bosquet des Trois Fontaines, dans lequel on a trouvé encore ce piton métallique avec des fils de métal. Donc vous avez un de ces pitons ici après restauration. Ça, c'était pour les parties en surplomb ou verticales. Ici, vous avez l'exemple du mur du bassin central du bosquet du Théâtre d'Eau, avec là aussi des pitons plantés tous les 30 cm et un fil qui les relie. Les éléments de décor étaient fixés sur ces fils. Donc voici des éléments de rocaillage qui regroupent des éléments qui ont été trouvés sur différents bosquets. Je laisserai à Catherine tout à l'heure le soin d'évoquer les coquillages ici. Voici d'autres éléments, ce qu'on appelle des gogottes, qui sont en fait des concrétions de grès. Celles-ci proviennent du bosquet de Lancelade, les vasques en étaient entièrement décorées. Il y a aussi une améthyste qui provient du labyrinthe, des pattes de verre que l'on retrouve absolument partout, des meulières encore munies de leurs fils métalliques par lesquels elles étaient rattachées aux pitons ou fils que je vous ai montré tout à l'heure, encore des coquillages, des quartz. Et ce qui est exceptionnel dans le bosquet du labyrinthe, c'est ces petits éléments de tôle de cuivre qui ont été trouvés dans le bosquet du loup et du porc épic, dont j'aurais dû vous montrer une photo tout à l'heure. Vous l'avez peut-être vu défiler en vitesse. C'était mon exemple de bassin à étanchéité de plomb. Donc il y a des petites feuilles métalliques sur lesquelles le laboratoire Arcantique a retrouvé deux couches de peinture, donc dues à des périodes d'entretien différents. Et aussi ces petites tiges de tôle enroulée qui pouvaient être soit des joncs, soit les épines du porc épic peut-être. Voilà donc ce que donnait ce rocaillage sur place, mais je crois que Catherine en parlera plus amplement tout à l'heure. Donc côté cour, il y a eu la grille royale, je vais passer assez vite, l'exemple du grand commun dont Jean-Yves parlera tout à l'heure, les fouilles de Séverine dans la cour des princes et sur la terrasse du midi qu'elle a évoquée ce matin. Donc je passe très vite parce que je voudrais arriver à Trianon, qui est quand même, voilà, comme ça vous voyez défiler les photos. Voilà, j'arrive à Trianon et à l'exemple du pavillon frais, qui est à mon avis l'exemple le plus abouti de fouilles que j'ai menées dans le parc. C'est pour ça que je tenais à vous en parler avant que le temps qui m'est imparti s'écoule. Donc voici le dernier projet avant réalisation. C'est à peu près l'état qui a été réalisé, tel qu'on peut le retrouver dans le terrain, avec ces deux bassins ovales, ces parterres de fleurs dont malheureusement nous n'avons retrouvé, en tranchée, vous verrez tout à l'heure, en fait on a retrouvé des traces, mais on a essayé les méthodes de décapage à l'anglaise et ça n'a rien donné. Et tout autour du jardin, donc ce petit pavillon qui date, donc comme je l'ai marqué au-dessus, qui a été aménagé par Louis XV en 1751 près du jardin de la ménagerie. Hein, à cette époque, ça ne s'appelait pas encore le jardin français. Tout autour de ce jardin, donc un petit pavillon qui servait à l'origine de salle à manger, et tout autour de ce pavillon et de ce jardin se trouvait un portique de treillage doublé de chaque côté du pavillon. Donc voici ce que ça donnait en élévation. C'était un simple bâtiment carré, richement ornementé d'un treillage. Donc voici un orthophotoplan des chantiers que nous avons réalisés. La partie est en 2006-2007 et la partie ouest en 2009. Voici le bassin, donc le bassin est, encore un beau bassin à étanchéité de glaise, avec ce qui était exceptionnel, un pavage bicolore avec un motif géométrique de silex et noir et de grès beige. Donc ici vous avez la pierrée d'évacuation. Donc, un relevé à échelle 1-1 a été naturellement réalisé de ce pavage. Voici quelques photos donc, des fondations du portique de treillage et la manière dont on peut restituer la construction de ce portique. Voici une vue donc, à la nacelle de la niche qui se trouvait à l'extrémité de l'une des allées. Vous avez le socle de la statue. Il y avait une statue, il y avait la maladie et la santé, je ne sais plus laquelle était de ce côté-là. Et ici, la fondation du mur qui soutenait la niche. Et en contrebas de cette fondation, une petite fosse de plantation dans lesquelles... qui servait pour toutes les plantes qui couraient le long du berceau de treillage. Dans les remblais du bassin, nous avons trouvé des restes de la margelle de pierre qui nous a fourni la mouluration de cette margelle. En marbre du Languedoc, hein, il y a les registres des magasins qui citent en 1753 la livraison au sculpteur de ce marbre de Languedoc pour les margelles. Et cette bouteille qui a été trouvée dans la pierrée d'évacuation du bassin et qui nous a servi à dater le comblement des bassins, puisqu'on avait un plan. Le pavillon lui-même a été détruit en 1810. Bon, il a été reconstruit dans les années 1980. Le portique de treillage a été déposé en 1811, et par contre nous avons un plan de la fin du Premier Empire où les bassins sont encore là, sur lequel les bassins sont encore là, et un plan de, je ne sais plus si c'est 1840 ou 1841, sur lesquels ils ont disparu. Donc la présence de cette bouteille qui est marquée aux armes de Louis-Philippe d'Orléans, hein, vous avez un L et un P en miroir, et un O pour Orléans, donc c'était une bouteille qui appartenait à la cave de Louis-Philippe, donc un reste royal, et qui nous a permis donc de dater le comblement des bassins dans les années 1830. Donc voici la superbe tranchée stratigraphique qui a été réalisé sur toute la largeur du jardin avec l'aide de Cécile Travers, hein, qui est une archéologue spécialiste des jardins qui a travaillé avec Anne Aliment. Et cette stratigraphie a donné toute l'explication du jardin depuis les temps géologiques, puisque vous avez le substrat géologique, jusqu'à l'année 2005-2006, le début des travaux que vous voyez représenté par la couche violette qui est au sommet. Donc je n'ai pas le temps de détailler cette coupe, mais nous avons vraiment toutes les étapes de l'histoire de cette parcelle de terrain. Donc nous avons aussi trouvé pu connaître tout la circulation hydraulique de ce jardin, grâce en particulier à cette chambre de manœuvre qui est la chambre de manœuvre du jet. Voilà, c'est celle qui est ici. C'est ici que le jet du bassin ouest était actionné. Et grâce aux échancrures que nous avons trouvées dans les murs et à la position de la conduite que vous avez vue sur la photo précédente à l'intérieur, qui partait du sud et non de l'est, enfin qui aboutissait par le sud et non de l'est comme je le prévoyais à l'origine, Daniela Malnar a pu restituer toute la circulation hydraulique de ce jardin. Dans ce regard, nous avons trouvé tout un dépôt de tessons de céramique, de terre cuite et des morceaux de plâtre, de pierre calcaire. Et c'est... Alors, voilà, certaines ont été remontées par les bénévoles de mon équipe. Et vous voyez ici donc Camille Arbonnier, qui est une de nos restauratrices en restaurateur, puisqu'il y a aussi deux hommes, qui est une de nos restaurateurs en céramique, qui est en train de participer au remontage de cette fontaine filtrante. Et donc, tous les objets ont pu être remontés grâce à toutes les personnes qui s'y sont mises, parce que tout le monde a mis la main à la pâte. Tout un mobilier 19e siècle a pu être remonté, qui est exposé actuellement au musée Promenade de Marly, que je vous invite à aller visiter. Donc c'est du mobilier qui date du début du 18e siècle. Nous avons surtout du mobilier d'hygiène, que vous voyez ici, fabriqué à Nevers. Ce pot de chambre est signé, hein, c'est l'atelier de Pitié, Phileas et Rémy Pitié, qui a été actif entre 1826 et 1846. Et nous avons donc ces deux fontaines filtrantes en terre cuite et cette fontaine en pierre qui était au-dessus, dans une garde-robe, au-dessus de l'appartement de Louis-Philippe au Grand Trianon. Donc ça, nous le savons, parce que certains objets avaient des numéros d'inventaire qui ont pu être comparés aux inventaires de Trianon qui existent toujours, qui sont conservés donc à la conservation du château. Et c'est grâce à ces inscriptions que nous avons pu connaître l'origine et l'usage de ces objets. Voilà, et j'évoque juste rapidement les derniers chantiers de 2015. Voilà, et je pense que mon temps est écoulé.